Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose de redécouvrir une série d'émissions sur le feu, initialement diffusée en septembre 2021. Aujourd'hui, premier temps, Anaximandre, Héraclite et les autres, au commencement était le feu. Rien de plus banal que le feu. Rien de plus exceptionnel non plus. On s'allume une cigarette au coin d'une rue, comme on rêve de se blottir dans une couverture au coin du feu. Craquer à une allumette a quelque chose de banal, mais réussir à faire du feu a quand même quelque chose du miracle. Le feu a cette singularité, il condense l'ordinaire et l'extraordinaire, l'intimité du foyer et la terreur de la catastrophe, les rêveries réconfortantes et l'excitation à son plein, la lumière de la connaissance et les dangers qui nous guettent. Tenter d'approcher le feu, c'est toujours courir le risque de se brûler, à ses clichés ou à ses grandes idées. Icare ne plane plus. Sommes-nous pour autant condamnés à regarder danser de loin les flammes? Où y a-t-il du feu en chacun de nous? Des cendres, le feu sera ranimé. De l'ombre, la lumière jaillira. Ah! Le feu! Qu'est-ce que j'ai fait? Un peu de silence, je vous prie! Mesdames et messieurs, il y a un contre-ordre. On vous fera tous descendre par l'ascenseur extérieur. On craint en effet que les ascenseurs rapides soient touchés par le feu. Au feu ! Au feu ! Je ne peux pas détacher mes yeux de ce feu. Vous savez, je crois que les gens regardaient ça autrefois comme ils regardent la télévision maintenant. Comme ça sent le feu de bois. Un feu, théoriquement, c'est fait pour chauffer, non? Évidemment. Allumez le feu, allumez le feu, et faire danser les diables et les dieux. Allumez le feu, allumez le feu. Bonjour Arnaud Massé. Bonjour. C'est une belle manière de commencer la semaine sur le feu. Évidemment, Johnny Hallyday avec ses hurlements « Allumez le feu ». Vous êtes professeur de philosophie à l'université de Franche-Comté. Vos recherches portent sur Platon, mais aussi sur les présocratiques, ce qui va nous intéresser dans l'heure qui vient. Alors, je peux citer à cet égard le livre que vous avez co-dirigé avec Luc Bresson et Anne-Laure Terme, « Lire les présocratiques ». C'est aux éditions PUF. Collection Quadrige, et puis apparaître en novembre une anthologie co-dirigée avec Luc Bresson et Jean-François Prado, anthologie présocratique volume 1, les Éléates, fragments des œuvres de Parménide, Zénon et Mélissos. Et bien ça tombe bien, parce que Parménide, on va en parler aussi durant l'heure qui vient. Alors une première question, on a entendu « Le feu, c'est fait pour chauffer », on l'a entendu, c'est un extrait de « Buffet froid », le film de Blier, mais tout de suite, le feu n'évoque jamais la simple idée de chauffer. Pourquoi le feu évoque toujours plus que ce cliché de se réchauffer au coin du feu et à quelque chose de beaucoup plus dangereux, beaucoup plus majestueux? Plus majestueux, mais parce qu'il est utilisé par les pensées anciennes dont on va parler pour expliquer bien plus que ce à quoi on se réchauffe, mais l'ordre du monde, l'éclat dont il provient, l'intensité qui continue à diriger les astres, il a donc une fonction universelle, cosmologique, et alors dangereuse au sens où la menace peut peut-être planer que cette force cosmique qui nous donne le monde puisse à un moment l'embraser. Mais ça, c'est déjà quand on pense actuellement au feu, Arnaud Massé, par exemple, on va penser effectivement au fait assez banal d'allumer une cigarette, à se réchauffer au coin du feu, à faire réchauffer quelque chose. En même temps, on a toujours en tête les incendies, c'est l'actualité aussi écologique qui nous pousse à penser à ça. Mais on pense rarement, en fait, au feu comme un élément, comme un des quatre éléments, comme quelque chose qui va composer l'univers, ce qui n'est pas du tout le cas, en fait, des origines de la pensée du feu, à savoir les présocratiques, qui tout de suite ont vu dans le feu quelque chose de beaucoup plus que quelque chose de quotidien. Absolument, comme les... Alors ce sont peut-être tous les éléments qui, chez nos différents présocratiques, ont constitué un cycle dont certains ont jugé bon d'insister sur l'un des éléments, eau, terre, feu, pour air, pour rentrer dans le cycle. Donc on peut mettre l'accent sur le feu, et certains d'entre eux l'ont fait davantage, mais ça serait intéressant de commencer par reconnaître que nos présocratiques ont une vision qu'on pourrait dire continue de l'univers. Et que ce qui est important, c'est que tous les éléments soient posés dans une certaine solidarité. Que si vous en enleviez un seul, tout s'écroulerait. Donc on ne pense pas au feu en tant que tel. On pense au feu avec la terre, avec l'air et avec l'eau. Oui, on pourrait dire que essentiellement le feu est une phase particulièrement intéressante, particulièrement intense, mais d'un cycle d'ensemble où rien ne doit manquer. Mais on pourrait dire que le feu est aussi bien une intensification des autres éléments, dans lequel il passe pour retrouver un état particulièrement intéressant de la matière. Donc ça, ce sont les deux éléments qu'on peut associer au feu déjà dès les présocratiques. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire qui sont les présocratiques? Ce qu'on entend par présocratique, est-ce que c'est une pensée assez uniforme? Et est-ce que parler de feu chez les présocratiques a du sens de manière assez homogène? Alors, on appelle présocratique depuis l'anthologie faite par un savant allemand à la fin du 19e, début du 20e siècle, et qu'on a cessé de refaire depuis l'anthologie des présocratiques. Hermann Diels a choisi ce mot parce que ces penseurs, qui pour la plupart donc se trouvent au 6e et au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans l'ensemble du monde grec, lui semblait pouvoir être envoyé à une façon pré-socratique de penser, avant Socrate. Ça renvoie à quelque chose que Platon a pu mettre en scène dans le Phédon, ce dialogue dans lequel on assiste à la dernière nuit de Socrate, et dans lequel Socrate raconte que, très jeune, il s'est intéressé à ce qu'on appelait à l'époque l'enquête sur la nature, sur l'origine de toutes choses et leur transformation, et que un jour, il s'est détourné de cela parce que ça avait aveuglé son esprit. Et là-dessus, se sont ajoutés des discours qui expliquent que Socrate s'est détourné de la nature pour s'occuper des affaires humaines. On pense à la déclaration du Phèdre dans laquelle Socrate, qui vient d'arriver à la campagne, dit que lui préfère rester à la ville parce qu'il y a plus à sortir d'un n'importe quel homme sur la place du marché que d'un arbre. Donc on a classé comme pré-socratique l'ensemble des savants qui se seraient, avant Socrate, consacrés avant tout à l'exploration de la nature, du cosmos et de ses lois. Et donc le feu chez les pré-socratiques. Pardon, j'ai expliqué pourquoi ils étaient pré-socratiques ou pré-platoniciens. Et donc le feu, on va évidemment parler surtout du feu d'abord chez ceux qu'on appelle les Ioniens, ou plus particulièrement les Milésiens, donc le début de la pensée présocratique qui aurait eu lieu sur la côte ouest de l'actuelle Turquie, dans des villes comme Milet, Éphèse, celle d'Héraclite, et qui ont cherché, c'est comme ça qu'on les a souvent expliqués après coup, l'origine matérielle de toute chose, valorisant pour les uns l'eau, pour d'autres l'air, pour d'autres le feu, ou l'ensemble de ces éléments. Donc c'est chez cela qu'on va trouver une tentative d'explication de la totalité des transformations qui animent le monde à partir des éléments matériels. Anaximandre affirma que l'illimité est responsable de la naissance et de la destruction du tout. Il dit que la Terre est de forme cylindrique et que sa profondeur est le tiers de sa largeur. Et il dit que la semence du chaud et du froid issue de l'éternel s'est détachée lors de la naissance de ce monde-ci, et qu'une certaine sphère de feu issue de celle-ci s'est développée autour de l'air, entourant la terre comme une écorce autour d'un arbre. Quand celle-ci eut été arrachée et enfermée dans des sortes de cercles, le soleil, la lune et les astres se formèrent. Il dit encore qu'au commencement, l'homme est né d'animaux d'espèces différentes, en raison du fait que les autres se nourrissent rapidement par eux-mêmes et que seul l'homme a besoin d'être nourri pendant une longue période. C'est pourquoi, étant ce qu'il est, il n'aurait pu subsister non plus au commencement. France Culture, Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. Arnaud Massé, on vient d'entendre une pensée, une opinion, comment l'appeler, un extrait d'une opinion d'Anaximandre, donc un pré-socratique. Donc pré-socratique, on a défini par pré-Socrate, donc Socrate lui tourné vers les affaires humaines, les pré-socratiques plutôt vers les affaires du monde et en particulier peut-être vers la formation de l'univers. Alors pour introduire quand même ce texte, est-ce que vous pouvez nous dire qui est Anaximandre, qui affirme que et pourquoi, en fait, on entend cette idée que Anaximandre affirme que, c'est-à-dire que ça n'est pas un texte de lui qu'on vient d'entendre. Exactement. Donc, c'est un témoignage qui, on appelle ça, les spécialistes parlent de témoignage pour parler de ces textes plus tardifs. Là, en l'occurrence, Zèbre de Césarée, qui, fin du 3e, début du 4e siècle après Jésus-Christ, qui cite lui-même une autre anthologie. Voilà. Donc, les anciens travaillaient avec ces anthologies d'opinions de leurs prédécesseurs, qu'on appelait des doxographies. Et là, on est dans le chapitre où il cite une opinion d'Anaximandre sur la naissance du monde. Anaximandre qui, lui, a été actif dans la première moitié du 6e siècle à Milet. On dit qu'il est disciple de Thalès, qu'on tient en général pour le premier des philosophes. Thalès qui, lui, aurait fait de l'eau l'origine de toute chose. Donc chacun son élément, a priori. Sauf Anaximandre qui, lui, à ce mystérieux apeiron. Alors, apeiron, il faut le dire. En fait, dans le texte, on a entendu, je redis la première phrase quand même, Anaximandre affirma que l'illimité est responsable de la naissance et de la destruction du tout. Alors, on imagine que Thalès aurait dit plutôt que c'est l'eau qui est responsable de la naissance et de la destruction du tout, mais Anaximandre, il parle d'illimité, parfois traduit aussi par indéfini, donc c'est ça, apeiron, voilà. En grec. Apeiron, c'est ce qui n'a pas de limite. Alors, on dit parfois indéfini pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Parce que les deux termes indéfini et limité n'ont pas du tout le même écho. Parce que dans l'illimité, vous dites juste que quelque chose n'a pas de limite, que vous pouvez le parcourir sans jamais arriver à sa fin, et que c'est l'origine aussi de notre mot infini. Ce qui est important ici pour l'illimité d'Anaximandre, comme il le dit, c'est que ça contient tout. Si ça contient tout, il n'y a rien de plus grand. Faut que ça contienne tout, faut que ça joue ce rôle. Parfois, on dit indéfini parce qu'on veut entendre par là l'idée que les choses ne sont pas encore déterminées, les mondes naissent de cette illimité qui a probablement toutes les qualités en lui, et que c'est seulement dans les mondes qui prennent forme à partir de cette illimité, à partir de ces semences dont parle le texte, que là, les choses prennent des contours. Et comme par hasard, quand les choses commencent à prendre des contours, il y a du feu. Voilà, c'est là où le feu apparaît. Le texte dit « La semence du chaud et du froid issue de l'éternel s'est détachée lors de la naissance de ce monde-ci. » Et qu'une certaine sphère de feu issue de celle-ci s'est développée autour de l'air, entourant la terre comme une écorce autour d'un arbre. Alors déjà, l'image est extrêmement belle. Mais on entend d'abord cette idée de chaud et de froid, moins de feu. Le feu est tout de suite quand même apparaît tout de suite sous forme de chaleur, comme un principe matériel, physique, plus que comme une représentation élémentaire. Il est possible que la fixation des éléments comme eau, comme terre, comme feu, par exemple, soit l'effet d'une lecture postérieure, notamment celle d'Aristote, ou en tout cas après Empédocle, et que, en effet, nos pré-socratiques aient privilégié la qualité de chaud, de froid, de sec, d'humide, dont les éléments sont sont le nom, au fond, ou l'état pur. Et ça nous renvoie bien à cette idée que nous avons affaire à des qualités d'une matière qui s'est prise dans un cycle et qui passe tous les unes dans les autres. C'est d'ailleurs ce qui se dit dans ce qui est peut-être notre seule citation, fragment d'Anaximandre, qui explique comment toutes choses naissent de ce principe et se rendent justice les unes aux autres selon l'ordre du temps. C'est-à-dire qu'elles sont liées, que peut-être qu'un élément ou une qualité prend le dessus, comme peut-être le froid l'hiver ou le chaud l'été, et qu'ils se rendent justice, qui reprennent ce qu'ils ont laissé aux autres, tour à tour, dans un cycle où ils sont solidaires. Mais si on revient sur il faut qu'on décrive ce qui se passe dans ce texte. Alors, vous voyez, c'est la différence. Là, on a un témoignage. On a quelqu'un qui nous dit, Anaximandre, et avec beaucoup de médiation, il le reprend à quelqu'un d'autre, Anaximandre disait cela. Les spécialistes qui essaient d'atteindre la pensée originelle, même en l'absence de la citation directe du morceau de vase qui serait datable d'Anaximandre, on essaye d'entendre dans chacun de ces mots si on a affaire à un mot qui a recouvert la pensée d'Anaximandre ou si peut-être que là-dedans il y a des mots qui pouvaient être à lui. Et alors justement dans l'image que vous avez soulignée, cette semence, cette sphère de feu, il y a le mot qui a poussé autour de la terre, c'est le verbe périphuomai. En grec, phuomai, c'est le verbe qui désigne la pousse des plantes. Et péri, donc, ça a poussé autour comme une écorce. Mm-hmm. Alors ça, on se dit, est-ce que c'est l'inspiration folle du témoin? Zeb oui. Se sentait bien ce matin-là, il était au milieu de la forêt, il s'est dit « Ah, c'est comme dans l'écorce !» Ou est-ce qu'on a quelque chose qui vient d'Anaximandre ? Et alors, il faut rentrer dans les détails de ces interactions matérielles. On a un problème, regardez, on a une sphère de feu qui s'est déployée. Et cette sphère de feu, donc vous voyez la forme d'une sphère. Mm-hmm. Et on nous dit que c'est comme l'écorce autour d'un arbre. Un arbre, c'est pas une sphère, c'est un cylindre. Or, on a des témoignages qui nous disent qu'Anaximandre a donné à la Terre la forme d'un cylindre. Comment est-ce qu'on peut réconcilier l'explosion de le déploiement de cette sphère de feu, qui, elle, nous renvoie à d'autres images, on les retrouve, parce que vous avez une semence, on pense à l'embryologie. Oui. Et on retrouve ces images dans les premiers traités d'embryologie qu'on a au 5e siècle chez les médecins. De toute façon, l'embryologie ressemble à cette alliance des contraires. Donc là, on a le chaud et le froid. On verra plus tard qu'on aura la lumière et la nuit. Finalement, le feu fonctionne toujours avec d'autres éléments que lui-même. C'est toujours un cycle, mais il fonctionne toujours aussi avec son contraire. Mais là, en l'occurrence, dans le texte qui n'est pas d'Anaximandre, mais qui est à propos d'Anaximandre, il y a quand même cette idée, vous l'avez dit, on essaye de se l'imaginer, une sphère de feu comme une écorce autour d'un arbre. Alors il y a le problème de sphère et de cylindre, mais il y a le problème aussi de la sphère, c'est-à-dire que l'écorce d'un arbre a quelque chose de protecteur, mais aussi de foncièrement rigide, solide, alors que le feu est insaisissable, alors que le feu est peut-être protecteur, mais il est tout le temps en mouvement. En fait, on est en train de se demander quel rôle voulait faire jouer Anaxigore au feu. Oui, alors le feu, il sert. Et c'est comme ça dans l'embryologie aussi. Ça sert là, on crée une poche dans laquelle il y a une polarisation. Mmh. Le feu est un merveilleux moyen de polarisation. Il est cet état incandescent de la matière. Et au centre de la sphère, c'est le froid qui va du coup s'agglutiner comme s'il fuyait ce feu et se mettre à créer un corps plus dense. Mmh. Et ça va être, vous avez dans le texte que vous avez retenu, il y a l'origine des vivants, on a des témoignages qui nous disent que les vivants ont pu se former de la même manière dans des mares réchauffées par le soleil, avec des croûtes qui se forment et qui font aussi des écorces à l'intérieur desquelles les vivants peuvent se déployer. Donc on a une pensée de la genèse de toutes les formes de vie, que ce soit celle du monde, que ce soit celle des astres ou des vivants sur la Terre, qui suit le même schéma. Et on peut peut-être même résoudre cette affaire de cylindre et de sphère, si on se dit que c'est avant tout une pensée de la Genèse. Et il nous dit que ça a poussé, cette sphère de feu, elle a poussé comme l'écorce pousse autour de l'arbre. Et si on se dit que, il y a ce mot parfois compliqué, mais on parle de processus morphogénétique, ça veut dire que vous avez un processus de Genèse qui amène à une prise de forme. Et la prise de forme, elle dépend du support sur lequel se fait cette genèse. Eh bien, cette poussée décrite par le verbe fiormaille, cette façon de croître comme une plante, si ça se fait autour d'un tronc, ça donne un cylindre. Et si ça se fait autour d'une sphère, ça donne une sphère de feu. Et pour finir sur cette image, mais il faut toutes les déployer pour rentrer dans Et puis pour comprendre leur portée. Ouais. Et vous allez voir le dernier temps, cette sphère de feu, elle se met à craquer. Et donc, il vous reste comme des anneaux de feu. Ces anneaux de feu qui se détachent et qui vont être enroulés par de l'air vont devenir les astres. Les astres, Anaximandre pense que chacun des astres que nous voyons sont comme les trous, comme dans une flûte, sur une grande roue de feu qui est entourée d'air qui l'a assombrie. Et il y a des trous parfois dans cette chambre à air qui fait que nous voyons comme des astres. Alors j'ai le fragment, Arnaud Massé. Les astres sont des compressions d'air en forme de roues pleines de feu, exhalant des flammes dans une certaine partie à travers des orifices. Mais là, on est tenté quand même de se demander jusqu'où, en fait, cette volonté de vouloir décrire, en fait, à la fois la genèse de l'univers, mais aussi, en fait, sa composition, sa constitution, donc la cosmogonie d'un connu et la cosmologie de l'autre, en fait, n'est pas contredit par une certaine vision poétique, romantique et presque métaphorique du feu. Alors, moi, je pense qu'il manie l'analogie avec une certaine maturité, pour le dire ainsi. Il y a une pensée morphogénétique, ça veut dire qu'on explique la forme que prennent les choses à partir de leur genèse. On explique comment l'histoire du monde explique sa forme. Ça, c'est la morphogenèse. Et ce faisant, on fait des analogies. Et les analogies, ça ne veut pas dire qu'on pense que les astres, par exemple, les orbites des astres sont en effet des flûtes, ou que cette sphère de feu est en effet une écorce. Ça veut dire qu'on compare les modes de production de ces choses. Et alors, qu'est-ce que ça nous dit de comparer cette mode de production d'un astre avec une flûte? Alors la flûte, là, c'est plus une analogie avec la forme. Finalement. Alors revenons sur les roues en feu. Qu'est-ce que ça nous apprend, en fait, cette morphogenèse et cette analogie des modes d'être? Eh bien, on comprend par le mode de production de l'astre comme roue. Si l'astre est une roue, c'est qu'il est un détachement de la sphère de feu qui a été, à partir de la semence du monde dans lequel nous sommes, en capacité de lui donner forme. Et cette forme arrondie, nous voyons la trace de cette origine dans la forme qu'a pris l'astre. Et ces morceaux de la sphère initiale s'étant détachés, ayant été enrobés d'un air plus sombre qui nous l'a dissimulé, et cet air plus sombre qui, par moment, laisse échapper des morceaux de la flamme, de l'incandescence, qui donc est on pourrait dire un reste de la déflagration initiale qui a créé notre monde, de la sphère de feu initiale, conserver cette chaleur intense du feu originel conservée dans l'orbite qu'est l'astre. Et ensuite, il s'agit d'expliquer les apparences et même les éclipses. C'est-à-dire ce que nous voyons. Nous voyons, nous, des petits ronds brillants que sont les étoiles. Nous sommes amenés à imaginer ce que nous ne voyons pas et qui le rattache à l'origine. Les mortels ont pris la décision de nommer deux formes. D'une part, ils ont établi le feu éthéré de la flamme, qui est doux, très léger. Mais voici l'autre aussi qu'ils ont établi en ses traits opposés. L'obscure nuit, corps dense et lourd. Puisque toutes choses ont été nommées lumière et nuit, tout est plein en même temps de lumière et de nuit invisible, les deux à égalité. Puisque ce qui ne revient en part ni à l'une ni à l'autre, ce n'est rien. Les anneaux plus étroits sont remplis d'un feu sans mélange. D'autres à côté d'eux sont remplis de nuit. Avec eux jaillit un lot de flammes. Au milieu de ces anneaux est une divinité qui guide toutes choses. Partout, en effet, elle préside à l'odieux enfantement et à l'union des sexes, poussant la femelle à s'unir au mâle et, de rechef, poussant en retour le mâle à s'unir à la femme. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, c'est la première émission de notre semaine consacrée au feu. Et aujourd'hui, le feu chez les présocratiques comme élément, comme formation de l'univers, genèse de l'univers. Et là, on vient d'entendre l'opinion, la pensée de Parménide, alors un autre présocratique. Qu'est-ce qu'on a entendu dans ce texte Arnaud Massé qui se distingue finalement de la pensée d'Anaximandre qui faisait du feu un moyen de comprendre le monde et sa formation? Alors, la première différence qu'il faut qu'on souligne, c'est le type de texte. Avec Anaximandre, on a eu un témoignage du début de l'ère chrétienne, 6-7 siècles après les faits. Là, on a un texte cité, bon, par nos sources aussi plus tardives, Sextus, Simplicius. Mais là, il cite un poème. Donc Parménide, qui a écrit, donc qui est né vers la fin du VIe siècle dans une colonie phocéenne du sud de l'Italie. Hein, les phocéens avaient dû fuir l'avancée des Perses et c'était des grands navigateurs. Ils sont allés s'installer d'abord en Corse, puis au sud de Naples à Élée. Et de cette petite cité est née une grande école philosophique, les Éléates, qui, grâce à l'intensité des échanges avec sa cité mère et toutes les autres cités grecques a pu avoir un développement culturel et scientifique intense très vite. Donc le jeune Parménide, qui est parmi peut-être la première génération de phocéens est là, et qui arrive à maturité au début du 5e siècle, il se met à écrire dans un vers très proche du vers homérique. Pourquoi ? Il est possible que Homère a été institué comme récitation tous les 4 ans à Athènes depuis la fin du 6e siècle, et que c'est un moyen de communication extraordinaire. Et donc, pourquoi ne pas faire de la philosophie en se saisissant du médium poétique? Donc là, vous voyez, on est face à un type de texte complètement différent. Mais là, c'est clairement pas un traité de physique ou du moins une restitution d'une pensée qui serait d'ordre physique et de description de l'univers. Si, quand même. Ah, on est d'accord. Donc, mais l'idée que ce soit un poème ne fait pas qu'en fait, on va pas avoir une description physique de l'univers. Ça veut dire que malgré la dimension poétique... Ça n'empêche pas. Il se saisit du poème parce que c'était le moyen d'expression qui, dans cette société, était celui dans lequel on disait le vrai. Et tout le monde écoutait. Et on pouvait raconter des histoires que tout le monde venait entendre. Parménide, il va se saisir du médium poétique pour dire tout ce qu'on vous a dit est faux. Moi, je vais vous dire vraiment le vrai maintenant. Et donc, il détourne la narration épique. Il nous raconte l'histoire d'un jeune narrateur qui est emmené par les filles du soleil, rencontrer une déesse. On sort du monde connu tel qu'il est connu par les hommes pour découvrir la vérité de l'être qui ne devient pas, qui est toujours tel qu'il est. Et avant de partir, elle lui dit « Écoute, maintenant, je vais te raconter... je vais te donner une physique, en gros. Je vais te donner une physique. Tu seras meilleur que tous les physiciens. Tout ça, toi et moi, maintenant, on sait que c'est de l'illusion. Tu as appris que l'être était sans mouvement, sans devenir. Maintenant, je vais te renvoyer au monde des hommes avec la meilleure physique possible. Tu les battras tous, t'inquiète pas. » Et à ce moment-là, elle déroule une physique. Et donc, ce qui est fascinant, c'est que ça nous est présenté comme, elle dit, écoute, à partir de maintenant, l'ordre trompeur de mes mots. Et personne ne te surpassera. Et elle explique l'ordre du monde. Et alors, les gens ne sont pas d'accord sur la façon de lire cette deuxième partie. Donc là, vous êtes condamné à avoir ma version. Allez-y. Moi, je pense qu'à ce moment-là, la déesse, après nous avoir dit que tout ça sera l'ordre trompeur de ces mots, ce n'est pas la vérité, mais je vais vous donner une restitution de la meilleure physique possible, et c'est la meilleure possible parce qu'on sait qu'elle est fausse, et que ce n'est que l'ordre des mots humains projetés sur le monde, et donc c'est encore plus facile à décrire de manière systématique. Ce faisant, nous avons, dans cette deuxième partie du poème... L'intervention du feu. Absolument, on revient au feu. On revient au feu quand même. On va retrouver... une très belle physique dans laquelle Parménide a probablement agrégé plein d'éléments de physique ionienne pour faire même la meilleure des physiques ioniennes, encore meilleure que celle de ses prédécesseurs. Donc, qu'est-ce qu'il nous propose? il nous dit, d'ailleurs vous voyez, si vous êtes attentif au texte, il vous dit, les hommes ont décidé qu'il y avait, tout ça c'est deux la formes. Décision humaine, deux formes, nuit et feu. À nouveau, on reconnaît que c'est pas exactement les éléments. Il y a le feu qui est nommé, mais en face de lui, il y a nuit. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, là, c'est, on avait la semence de chaud chez Anaximandre, qui effectivement, après, laissait vraiment apparaître le feu avec la sphère de feu, ça c'était très clair. Mais là, on a encore un couple d'opposés, c'est la lumière et la nuit. Donc le feu, c'est pas tant le feu. C'est la lumière, mais c'est une autre dimension effectivement du feu. Le feu, il est chaud, le feu peut brûler, peut régénérer, peut détruire, mais le feu, c'est aussi ce qui illumine. Oui, et là, il est choisi, d'ailleurs il vous est présenté sous la forme d'une flamme douce, épionne, ce joli mot épique. Le feu éthéré de la flamme qui est doux, très léger. Voilà, donc là on pourrait trouver la flamme sous la forme de cette flamme douce que l'on met dans une lanterne pour s'éclairer dans la nuit. Et justement, le feu est contrasté avec cette nuit dense. Adaès, alors ignorant, traduit-on partout. Là, c'est la belle traduction de Denis O'Brien que nous avons repris d'ailleurs dans l'anthologie que vous avez mentionnée. Elle est sous sa forme familière comme un guide dans la nuit. Et on voit que là, en effet, il y a un principe épistémologique avec ces deux éléments, feu, nuit, nous allons pouvoir saisir l'articulation de toute chose et du monde entier, puisque dans les fragments qui suivent, la déesse propose de penser que chaque chose a reçu sa part de nuit et de feu, et que nous allons expliquer ce que la nature de chaque chose et la façon dont elle se comporte à partir de la proportion de feu de nuit qui est en elle. Ça, c'est génial, Arnaud Massé, parce que on passe avec Anna. C'est Parménide. Alors, c'est Parménide. Mais c'est génial que vous nous le disiez. Cette idée est géniale parce qu'en fait, on passe d'Anaximandre où le feu est vraiment une sorte de principe, en fait, extérieur. C'est-à-dire, bon, l'univers, on vit, sur la planète, dans l'univers. L'univers a été créé. Donc, on est d'une certaine manière, on fait partie, en fait, du résultat obtenu, par l'intervention, du feu. Mais là, il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin, en fait, avec Parménide. C'est qu'en moi, par exemple, il y a une part de feu et une part de nuit. Chaque chose, chaque esprit, chaque chose, même cette table, par exemple, aurait sa part de nuit et sa part de lumière. Et c'est en ça que le feu est un principe épistémologique plutôt que un principe uniquement cosmologique ou cosmogonique, c'est ça? Alors, il est les deux. Parménide nous redonne tout dans ces quelques fragments. Vous allez avoir, donc, à la fois, en effet, un principe épistémologique, mais parce qu'il est ontologique, c'est-à-dire que chaque chose a été faite d'une part de nuit, d'une part de feu. Et pour prendre juste quelques exemples, dans le fragment 10, la déesse promet à son jeune interlocuteur de lui dire « Tu sauras la nature du soleil, tu sauras la nature de la lune, tu sauras tout ça. » Et ce qui est très beau dans ces fragments, c'est qu'on pourrait se demander « Mais quelle est... » Alors, la part de feu, la part de nuit du soleil qui est resplendissant, flambeau resplendissant, dit-il. Et il y a cette expression ergaidella qu'on peut traduire par l'œuvre, les œuvres invisibles du soleil. Qu'est-ce que c'est que les œuvres qui seraient sa part de nuit? Et dans les fragments qui suivent, la réponse à cette question, on l'obtient en regardant la lune. La lune, elle est décrite comme nuctifaes, elle brille dans la nuit. Donc vous avez cette alliance de feu et de nuit à propos de la lune. Elle brille dans la nuit. Il décrit le fait qu'elle est en train de chercher des yeux le soleil. Et l'hypothèse que font les spécialistes aujourd'hui, c'est que nous avons dans ces fragments la première formulation en Grèce ancienne de l'explication juste de la lumière de la lune, puisqu'on se posait la question de savoir si la lune avait sa lumière propre, si elle avait un feu propre. Mais non, elle est éclairée dans la nuit par quelqu'un qui n'est pas là, le soleil. Donc nous avons là l'œuvre nocturne du soleil qui est en train d'éclairer cette lune que nous ne voyons que par là, lumière d'emprunt, dit Parménide. C'est la première fois qu'on nomme bien la luminosité de la lune. Donc Parménide finalement était un physicien de génie ou un observateur du ciel de génie, mais quand il dit nous avons en nous une part de nuit et une part de lumière, c'est dans un sens non pas seulement métaphorique, mais c'est aussi une manière de dire nous sommes faits de contraire. Or il faut quand même dire que Parménide, vous l'avez dit Arnaud Massé, appartient à ces penseurs des Éléates qui postulent quand même contre le devenir, contre la pensée du devenir, la pensée de l'être. C'est très paradoxal de postuler de manière aussi figée, presque essentialiste, en partant quand même du feu qui est mobile, qui est mouvant, qui se transforme, qui s'affaiblit, qui reprend cette idée de l'être, c'est-à-dire de dire, de décider, comme le fait Parménide, que tout être est constitué de nuit et de lumière, indéfiniment, indéfectiblement. Oui, mais là, vous avez, on a ces deux faces du poème. Il y a la face où elle nous a dit la vérité, l'être immuable, et puis maintenant, elle est en train de nous donner cette physique à laquelle elle n'adhère pas. Donc, la physique du feu serait une sorte de paillette, quoi, de spectacle, de mise en œuvre. De fiction formidable. Alors, là, à nouveau, vous êtes condamné à avoir ma version. Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas d'accord, qui pensent que cette physique, elle est vraisemblable et même véritable. Je pense qu'elle est d'autant plus libre de la déployer qu'elle n'y croit pas. Et qu'elle nous donne la meilleure physique possible pour convaincre les hommes. Et qui rendent compte très exactement de leur expérience, qui est une expérience d'alternance, de feu, de nuit, et d'un monde dans lequel il y a de l'obscurité et de la luminosité en permanence. Vous avez employé le terme à Nomassé d'épistémologie. En quoi Parménide nous propose aussi un moyen, fait du feu, un moyen épistémologique? En quoi est-ce un moyen de connaissance? Alors, le mélange du feu et de la nuit, en toute chose, il est aussi en nous. Et donc nous connaissons par là. Nous connaissons les choses obscures ou lumineuses en fonction de l'état de nos membres, qui sont eux-mêmes composés de feu et de nuit. Mais avant toute chose, le feu est un principe épistémologique parce qu'il est un principe ontologique, en tout cas dans la fiction de la seconde partie du poème, et que nous sommes constitués nous-mêmes de cette chose qui compose aussi toutes les autres. Et pourquoi le feu en particulier peut jouer ce rôle? C'est qu'il... Quand vous avez feu et nuit, qu'est-ce qui apparaît? Une flamme dans la nuit, c'est comme la figure qui se détache sur un fond. Et donc avec le feu, vous trouvez dans la matière un élément d'intelligibilité, un élément qui éclaire, un élément qui délimite, un élément qui vous permet de commencer à décrire des formes à l'intérieur d'une nuit. La nuit, il l'a dit, ignorante, si on traduit Hadès comme ça, mais ignorante en un bon sens. On a dit que la flamme était douce. La nuit, elle est ignorante, mais comme le sommeil vous délivre de vos maux, mais aussi probablement de la connaissance. Donc c'est le feu qui vient nous mettre de la forme dans le monde. Harry ? Professeur, monsieur, votre oiseau, je n'ai rien pu faire, il a pris feu tout à coup. Le moment était venu. Il n'était pas bien ces derniers temps. Dommage que tu l'aies vu le jour de sa combustion. Femsec est un phénix, Harry. Les phénix s'enflamment quand l'heure est venue pour eux de mourir. Après quoi ils renaissent de leurs cendres. Les phénix sont des créatures fascinantes. Ils sont capables de transporter des charges très lourdes et leurs larmes ont de grands pouvoirs de guérison. Héraclite considère le feu comme le principe de l'ensemble des choses. En effet, dit-il, du feu naissent toutes choses, et dans le feu, toutes choses trouvent leur fin. Quand il s'éteint, toutes choses deviennent le monde organisé. Tout d'abord, ce qu'il y a de plus dense en lui se concentre pour donner naissance à la terre. Puis la terre, perdant de sa densité sous l'effet du feu, produit naturellement l'eau, qui, en s'évaporant, donne naissance à l'air. Et de nouveau, le monde et tous les corps sont détruits par le feu lors de la conflagration. Le feu est donc le principe, puisque toutes choses s'y dissolvent. France Culture, Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. qui aurait cru que la bande originale de Harry Potter irait si bien avec la pensée d'Héraclite, mais c'est le cas. On a effectivement entendu un extrait donc d'Harry Potter et la Chambre des Sorciers, c'est le film de Chris Columbus sorti en 2002, et puis un extrait lu par Hélène Losseur des fragments d'Héraclite sur le feu. Alors là, Héraclite, c'est vraiment le penseur du feu, il le revendique, il n'y a pas de mélange avec le chaud, le froid, avec la nuit, la lumière. Là, il considère le feu comme le principe de l'ensemble des choses, et très intéressant à la fin, et c'est pour ça qu'on l'a associé avec cette idée de phénix. Il dit « Le feu est donc le principe, puisque toute chose s'y dissolve. » Arnaud Massé. Absolument. Alors, il faut juste qu'on prenne un moment de prudence sur cette doctrine associée à Héraclite, celle de l'embrasement final. Les spécialistes discutent de la question de savoir si on n'a pas là affaire, parce que à nouveau c'est un témoignage, c'est le pseudo Plutarque. Est-ce qu'on a affaire à une projection rétrospective d'une doctrine stoïcienne d'embrasement cyclique du monde, le feu artisan par lequel les stoïciens pensaient que c'est comme si le feu était l'artisan qui pétrissait ce monde, lui donnait forme, lui donnait ses contours. À nouveau, cette incandescence particulière du feu qui lui donne une capacité d'action sur les autres éléments et de les pétrir. Donc ça, c'est très beau chez les stoïciens, c'est certainement leur hypothèse. Les stoïciens font un usage très fécond des présocratiques, qui ont parfois voulu se rattacher aux présocratiques par-dessus Platon et Aristote. Et ils disent s'inspirer d'Héraclite sur ce point. On va pas régler ce matin la question de savoir si c'est absolument, effectivement, Héraclite qui nous parle d'embrasement. Mais à propos d'Héraclite. Oui, absolument. Et en tout cas, il est sûr que chez Héraclite, le feu est posé comme l'élément à partir duquel tout se produit. Et tout se détruit. Et tout pourrait se détruire si on accepte cette possibilité. Tout le monde n'est pas d'accord. Il y a une nuance à faire là-dessus. À nouveau, quand on dit « tout vient du feu » et « tout y retourne », vous avez plusieurs manières de le comprendre. On a très longtemps compris cette doctrine à la façon dont Aristote nous la rapporte, à savoir que le feu, pour Héraclite, aurait la même fonction que l'air d'Anaximène, que l'eau de Thalès, à savoir un substrat. C'est la doctrine aristotélicienne de la substance, c'est-à-dire un matériau auquel on peut, par diverses opérations, faire prendre différentes formes, et que l'eau, ici le feu, serait le matériau fondamental de toute chose, tout serait fait de feu, mais simplement transformé et sous un autre état. Ça, c'est une première façon de le comprendre. Il y a dans un livre qu'il faut mentionner, qui est le livre « Explaining the Cosmos » de Daniel Graham, publié au début de ce 21e siècle, qui a voulu reprendre toute l'histoire de la physique milésienne autrement, ionienne, en disant « non, c'est pas ça que ça veut dire, ça veut dire que si tout vient de l'eau ou tout vient du feu, c'est juste que feu et eau sont posés comme le premier moment d'une transformation et d'un cycle par lequel les éléments se donnent naissance les uns aux autres. Tout part du feu, tout y revient. Alors là, vous n'êtes plus obligé de penser que ce soit des déflagrations cycliques aussi. Vous pouvez penser que c'est le cycle d'un monde éternel, dans lequel un élément donne le ton, donne le rythme. Il y a ce fragment très beau que j'aimerais vous lire, où Héraclite dit « Dieu est jour et nuit, hiver et été, guerre et paix, satiété et famine, il se transforme comme le feu qui, lorsqu'il est mêlé d'aromates, reçoit des noms différents selon le plaisir de chacun. » Et on comprend bien, je trouve, avec ce fragment, cette idée de feu qui ne compose pas seulement chaque chose, comme chez Parménide, qui ne compose pas seulement l'univers comme chez Anaximandre, mais avec Héraclite, on comprend quand même cette idée que le feu est une sorte de balancier presque de tempo du monde qui, en fait, ne cesse de se détruire et de se régénérer dans le même temps. Absolument. Le feu est, on pourrait dire, la mesure du cycle. Il est le métronome, il est celui qui nous permet de nous orienter et de comprendre la façon dont toutes les choses passent les unes dans les autres. Il y a aussi, Mais c'est ça, on peut passer des, avec Héraclite, on pourrait passer des soirées à ce, on peut faire ce jeu à la maison, hein, prendre une édition d'Héraclite et se donner à chacun des fragments comme ça. Donc j'aimerais jouer avec vous à ce jeu aussi, le fragment 48 dans l'édition de Jean-François Prado. Oui. Ce monde-ci, le même pour tous, que nul dieu ni homme n'a fait. Il y a une provocation terrible aussi. Pas de production du monde. Ce monde-ci, en fait, faudrait traduire, bon, je ne veux pas critiquer, elle est très bien cette traduction, mais cosmos, c'est l'ordre du monde. Ça ne suppose pas une création comme avec un dieu monothéiste. Donc, c'est l'ordre du monde, le même pour tous, que nul dieu, dans la religion grecque, ce sont les dieux qui sont responsables de l'ordre du monde, du fait que chaque chose est à sa place, ni aucun homme n'a fait, mais qui était toujours, qui est et qui sera. Vous voyez, un fragment qui ne va pas bien avec l'idée que le monde naît et meurt. Avec l'idée du devenir propre à Héraclite. Qui est et qui sera un feu éternel, s'allumant en mesure et s'éteignant en mesure. Donc là, on a plutôt aussi une danse du feu, qui croît, qui décroît, qui s'allume et qui s'éteint, et qui donne à toute chose la mesure, comme le soleil, qui est plus présent à un moment de l'année, plus discret à un autre moment. Vous voyez, c'est ce rythme qui est placé dans les choses par le soleil. Alors Arnaud Massé, moi aussi, je vais jouer avec vous et on va vous faire écouter d'autres extraits d'Héraclite. La foudre pilote l'univers. Le feu progressant jugera et emportera tout. Et il dit encore que le jugement du monde et de tout ce qu'il contient se fait par le feu. Il le dit ainsi, la foudre gouverne toute chose. C'est-à-dire qu'il les dirige avec rectitude. Et Héraclite appelle ainsi foudre le feu éternel. Et il dit de ce feu qu'il est intelligent et qu'il est la cause de l'ordonnancement de tout. Il l'appelle besoin et satiété. La mise en ordre du monde est selon lui le besoin et l'embrasement et la satiété. Car en survenant, dit-il, le feu jugera et s'emparera de toute chose. C'est la fin de bientôt de cette émission Arnaud Massé, mais on peut se rassurer car le feu nous dit, et peut-être la réconciliation, on l'a entendu quand même de cette théorie de l'être un petit peu figée, le tout est, toute chose est, ou les choses ne sont pas, mais dans un certain devenir, c'est-à-dire que la flamme s'intensifie, elle s'arrête, les choses se détruisent, et finalement, Héraclite nous permet de penser, avec cette idée quand même très forte qu'on a entendue, le feu jugera et s'emparera de toute chose. Ça, c'est quand même une idée très intéressante, mais en tout cas, ce feu qui est juge nous permet de réconcilier à la fois l'être et le devenir. Oui, alors, c'est très important de penser qu'en effet, il y a une éternité du monde, éternité du monde où toute chose est liée, toutes les choses sont solidaires les unes des autres, et l'ensemble de leurs mouvements, même quand les choses nous paraissent abriter des oppositions irréductibles, des contrariétés entre l'amour et la haine, la justice et l'injustice, la guerre et la paix, c'est au cœur de cette tension qu'Héraclite va situer l'ordre et la stabilité du monde qui reste le même à travers ces échanges et ces oppositions. Et la foudre gouverne tout, le feu, on l'a dit, est la mesure de l'ensemble de ces échanges. Il a un autre fragment où il est comme la monnaie qui s'échange contre toute chose. Et il nous donne donc l'intelligence de l'ensemble des transformations et des natures de toute chose. Et on pourrait, pour insister sur cette dimension d'intelligence, rappeler que dans la doctrine même de l'âme, chez Héraclite, alors certains pensent qu'elle est faite d'air qui peut aller vers l'humidité ou qui peut aller vers la flamme, et que quand nous parvenons à penser ou à accomplir des actes héroïques, l'âme deviendrait incandescente. Et il parle des grandes morts qui donnent les plus grands lots de destin, dans son fragment 25, qu'on peut interpréter avec l'idée que si nous n'avons pas assez pensé, nous avons une âme qui s'est humidifiée. Il décrit d'ailleurs l'âme de celui qui a trop bu comme une âme humide. Et au contraire, en pensant, en pratiquant l'intelligence, nous parvenons à une âme incandescente qui est prête à rejoindre le feu cosmique au moment où nous nous éteignons. Donc il y a un paradoxe qui est complètement poussé à son plein, mais qui est revendiqué, qui est que cet état quand même d'un monde qui est toujours en perpétuel embrasement, en fait, on a entendu, alors pour les auditeurs et auditrices les plus attentifs ou les mieux connaisseurs de ce film, on a entendu un extrait de Mélancolia, c'est-à-dire qu'on a quand même l'impression que ce film de Lars von Trier, où en fait un astre en feu va s'écraser sur nous, décrit un petit peu la vision apocalyptique d'Héraclite, mais finalement chez lui, chez Héraclite, cette vision de la catastrophe est un accomplissement. Et si dans le texte qui a été lu, on voyait ce qui était frappant aussi, c'est que le monde, on peut aller jusqu'à l'idée que le monde nous a été donné par l'extinction d'un feu cosmique. Cette idée que c'est en se retirant que le feu nous a donné les choses avec leur forme, comme s'il les avait cuites, et que le moment où il recommencera à s'étendre de nouveau, il reprendra ce qu'il a donné. Donc il est la forme du monde, il est ce qui en cisèle les contours. Donc là, on retrouve Anaximandre, oui. Et Parménide. Et son retrait nous a donné le monde. C'est ce qu'il y a dans le texte du pseudo-Plutarque, là. Au moment où il l'aura décidé, il se déploiera de nouveau, purifiant tout, et tout pourra recommencer. Et juste une dernière chose, Arnaud Massé, sur cette idée que le feu jugera toute chose. Qu'est-ce qu'il faut entendre par cette idée de juge, une sorte de surplombance, alors qu'on était chacun fait de feu et que le monde s'embrasait, et là, le feu nous juge. Ben, faut revenir au fragment, le seul fragment qu'on ait d'Héraclite, d'Anaximandre aussi, que j'ai cité tout à l'heure. Je sais qu'on parle d'Héraclite, mais Anaximandre, dans le seul fragment qui nous soit parvenu, nous dit que les choses se rendent justice, les unes aux autres, selon l'ordre du temps. Que donc le chaud, quand il a pris trop de place, va devoir rendre la place au froid. Ce grand cycle, il est animé par une justice. Et si le feu juge chez Héraclite, c'est qu'il est le maître des transformations et celui qui tient la mesure, qui permet à un monde de tenir. C'est pour ça qu'il fait le monde et qu'aucun dieu ne l'a fait, aucun homme ne l'a fait. C'est lui qui fait le monde, parce que faire le monde, c'est maintenir son ordre. Midnight in the village, see the lights of candles from bitter end to gaslight. Bias leaves the stage, old stage notes when the black girl and guitar burn together all in rage. You've got what it takes. You say too much. Van Ronk says to Bobby, she's the next real thing. Crowds in the hail flight, screaming like a banshee. You're in the boat, babe, we're in the water. You say too much. Oh, you will set the world, babe. You will set the world on fire. I can work the scene, babe. Set the world, babe, you set the world on fire. beaucoup Arnaud Massé d'avoir ouvert cette semaine sur le feu. De vous, je rappelle que l'on peut lire une anthologie co-dirigée avec Luc Brisson et Jean-François Prado, Anthologie présocratique, le premier volume consacré aux Éléates, qui est disponible aux éditions Les Belles Lettres, ainsi que Lire les présocratiques, co-dirigé aussi avec Luc Brisson, et cette fois-ci Anne Lorterme aux éditions PUF, et encore de vous, Platon, philosophie de l'agir et du pâtir aux éditions Academia. Merci encore à vous. Et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Faut-il revenir à la nature ? À chaque crise humaine, à chaque crise historique et politique, on parle de revenir à la nature. La nature, c'est ce qui revient toujours. Comme on dit aussi que le naturel revient au galop. La nature, c'est quelque chose qui fait retour, qu'on oublie, et qui fait retour ou auquel on demande aux hommes de retourner. Mais que faut-il entendre par là ? Qu'est-ce que c'est exactement que cette idée de nature ? Est-ce qu'il s'agit, comme dans l'Antiquité, finalement, d'un principe caché au fond des choses, et même en nous, que nous pourrions toujours recouvrir par des artifices, mais qui néanmoins est en nous et dans le monde l'essence même des choses. Une force au fond, comme chez Aristote, mais une force, la nature qui pousse, qui croît, mais toujours vers une essence, la nature même des choses, un but au fond caché, la nature désignant cette finalité interne à chaque être et que nous pouvons détourner, tenter par nos artifices et nos lois de déformer, mais à laquelle nous reviendrions toujours. Est-ce encore cela la nature aujourd'hui ? Ou bien n'est-ce pas aussi tout à fait autre chose ? Cette nature des modernes, cette nature opposée à l'homme qu'il faut connaître de l'extérieur et qui est écrite, disait Galilée, en langage mathématique. Alors là, c'est exactement le contraire. Ceux qui veulent revenir à la nature sont plutôt du premier côté. Ils cherchent plutôt à abandonner cette idée de nature, cette idée moderne de la nature opposée à l'homme et qui aurait amené par certains côtés à la destruction de la nature. De cette façon, on pense que l'idée de nature est plutôt une construction, un artifice de la science et de la culture moderne qui a masqué, au fond, à la fois la vérité d'une nature originelle et peut-être le travail des humains, le travail des cultures qui forment, comme disaient les grands sceptiques depuis Montaigne, une seconde nature, la culture qui est notre vraie nature. Et il n'y aurait pas de sol originel, de force originaire, de vérité cachée à laquelle il faudrait revenir même en temps de crise. Alors faut-il aller sans cesse de ce naturalisme sous-jacent à cette critique, à ce constructivisme moderne et contemporain? La vérité est peut-être, au fond, dans ces crises qui nous ramènent toujours à l'idée de nature, en tout cas, à quelque chose qui, non seulement dans les choses différentes de nous, mais en nous, nous déborde et auquel nous pouvons revenir comme à un horizon critique, beaucoup plus qu'à une vérité cachée. Car la nature, ce sont aussi des dangers, des risques, y compris en nous, contre lesquels il faut lutter. Et revenir à la nature, c'est plutôt apprendre à y habiter. Merci beaucoup Frédéric, votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture à la page du pourquoi du comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Jules Barbier qui a préparé cette émission, Manon Delasselle, Carla Michel, Adèle Vendrette, Antoine Ravon, Anaïs Isbert et Laurence Malonda à la réalisation, avec à la prise de son aujourd'hui Nasser Moussaoui et Hélène Losseur à la lecture des textes. Pour écouter ou réécouter cette première émission de notre série sur le feu comme origine du monde, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Chemins de la Philosophie ou sur l'application Radio France. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre programme, Quand la forêt brûle, ou la dimension écologique du feu et des méga-feux, et ce sera en compagnie de la philosophe Joëlle Zask.